Pour dire « j'aime », on dit « ça me plaît ». Me gusta. Me gusta. D'accord. Me gusta. Et j'aime le voir. Me gusta verlo. Me gusta verlo. Et je n'aime pas le faire. No me gusta hacerlo. No me gusta hacerlo. Et comment direz-vous « je voudrais le voir » Et en espagnol, l'ordre des mots serait « me plairait voir le ». Alors, me gustaría. D'accord. Verlo. Me gustaría verlo. Oui. À chaque fois que vous entendez ria ou voyez cette terminaison à l'écrit, vous savez que c'est un conditionnel. Me gustaría est très utilisé. Alors, par exemple, je voudrais vous voir se dira. Hein, vous vous adressez à usted. Me gustaría verle. D'accord. Hein? Me gustaría verle. Alors, encore une fois, au futur comme au conditionnel, c'est la terminaison sur laquelle il faut insister à l'oral. Donc, re, remos, et ra, ran, ras, au futur, et ria, rias, ria, rian, riamos, au conditionnel.